Le salon des beaux-arts au niveau central pour le 7e congrès du Parti du Travail de Corée est ouvert le 2 mai au Musée des beaux-arts de Corée. Dans le salon étaient exposés les tableaux de peinture sur les exploits mortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, fondateur et dirigeant du glorieux Parti du Travail de Corée. À la cérémonie, on prit part Cha Tae-bok, secrétaire du comité central du Parti du Travail de Corée, et autres cadres intéressés, les peintres et les travailleurs de la capitale.